le neveu de la fruitière, d'Égésippe Moreau. « Comment, malheureux ? » répétait son fils, le père Lazare, cuisinier à Versailles. « Tu auras 6 ans à Noël, et tu ne possèdes pas encore le moindre talent d'agrément. Tu ne sais ni tourner la broche, ni écumer le pot. » Et il faut avouer que le père Lazare avait quelque raison dans ses réprimandes, car au moment où se passe cette scène, en 1760 et quelques, il venait de surprendre son héritier présomptif en flagrant délit d'espièglerie et de paresse, s'escrimant, armé d'une brochette en guise de fleuret, contre le mur enfumé de la cuisine, sans souci d'une volaille qui attendait piteusement sur la table le moment d'être empalée, et de la marmite paternelle qui jetait en murmurant des cascades d'écume dans les cendres. « Allons, pardonnez-lui, embrassez-le, ce pauvre enfant, il ne le fera plus !» disait une paysanne jeune encore, fruitière à Montreuil et sœur de l'irritable cuisinier. Marthe, c'était son nom, était venue à Versailles sous prétexte de consulter son frère sur je ne sais quel procès, mais en effet pour apporter des baisers et des pêches à son neveu dont elle était folle. Tout dans le caractère et l'extérieur de cet enfant pouvait justifier cette affection extraordinaire, car il était espiègle et turbulent, mais bon et sensible, et gentil, gentil. Qu'on se tenait à quatre en le voyant, pour ne pas manger de caresses, ses petites joues plus fraîches et plus vermeilles que les pêches de sa tante. Mais le père Lazare grondait toujours. « 6 ans, répétait-il, et ne pas savoir écumer le pot. Je ne pourrai jamais rien faire de cet enfant-là. » Le père Lazare, voyez-vous, était un de ces cuisiniers renforcés et fanatiques qui regardent leur métier comme le premier de tous, comme un art, comme un culte, dont la main est posée fièrement sur un couteau de cuisine comme celle d'un pacha sur son yatagan, qui dépouille une oie avec l'air solennel d'un hiérophante consultant les entrailles sacrées, battant une omelette avec la majesté de Xerxès fouettant la mer, qui blanchit sous l'inamovible bonnet de coton et tiendrait volontiers en mourant la queue d'une poêle comme les Indiens dévots tiennent, dit-on, la queue d'une vache. Il n'y a plus de ces hommes-là. Quant à Marthe la fruitière, c'était une bonne et simple créature, si bonne qu'elle en était, non pas bête, comme on le dit ordinairement, mais au contraire, spirituelle. Oui, elle trouvait parfois dans son cœur des façons de parler touchantes et passionnées, que M. de Voltaire lui-même, le grand homme d'alors, n'eût jamais trouvé sous sa perruque. Il y a encore de ces femmes-là. « Frère, » dit-elle, émue et pleurant presque de voir pleurer son petit Lazare, « vous savez, ce grand bahut que vous trouviez si commode pour serrer la vaisselle et que j'ai refusé de vous vendre, je vous le céderai maintenant si vous le voulez. J'en donne encore 10 livres comme avant. Frère, j'en veux davantage. » « Allons, 10 livres, 10 sous, et n'en parlons plus. Oh, j'exige plus encore, c'est un trésor que je veux. » Le père Lazare regarda sa sœur fixement, comme pour voir s'il n'était pas folle. « Oui, poursuivit-elle, je veux mon petit Lazare chez moi, et pour moi toute seule. Dès ce soir, si vous y consentez, le bahut est à vous, et j'emmène le petit à Montreuil. » Le frère de Marthe fit bien quelques difficultés, car au fond il était bon homme et bon père. Mais l'enfant en litige lui faisait faire, suivant son expression, tant de mauvais sang et de mauvaise sauce. Les instances de Marthe étaient si vives, et d'un autre côté le bahut en question était si commode pour serrer la vaisselle. Enfin il céda. « Viens, mon enfant, viens, » disait Marthe, en entraînant le petit Lazare vers sa carriole. « Tu seras mieux chez moi, au milieu de mes pommes d'api, que tu manges avec tant de plaisir, que dans la société des oies rôties de ton père. Pauvre enfant, tu aurais péri dans cette fumée. » « Vois plutôt, » ajouta-t-elle avec une naïve épouvante, « mon bouquet de violettes, si frais tout à l'heure, est déjà fané. Oh, viens, et marchons vite, si ton père allait se dédire et te revouloir. » Et elle entraînait sa proie si vite que les passants l'eussent prise à coup sûr, sans sa mine décente et allure libre et gaie de son jeune compagnon, pour une bohémienne voleuse d'enfants. Le premier soin que prit la bonne tante, après avoir installé son neveu chez elle, fut de lui apprendre elle-même à lire, ce dont le père Lazare ne se fut jamais avisé, car totalement dépourvu d'instruction, le brave homme n'en connaissait pas le prix, et on l'eût bien étonné, je vous jure, en lui apprenant qu'une des plumes qu'il arrachait avec tant d'insouciance à l'aile de ses oies pouvait, tomber entre des doigts habiles, bouleverser le monde. Le petit Lazare apprit vite, avec tant d'ardeur que l'institutrice était souvent obligée de fermer le livre la première et de lui dire « Assez, mon ange, assez pour aujourd'hui. Maintenant, va jouer, sois bien sage et amuse-toi bien. » Et l'enfant d'obéir et de chevaucher à grand bruit dans la maison ou devant la porte un bâton entre les jambes. Quelquefois, l'innocente monture semblait prendre le mort aux dents. « mon Dieu, il va tomber !» s'écria alors la bonne Marthe, qui suivait l'écuyer des yeux. Mais elle lui voyait bientôt dompter, diriger, éperonner son manche à balai avec toute la dextérité et l'aplomb d'une vieille sorcière, et rassurée, lui souriait de sa fenêtre comme une reine du haut de son balcon. Cet instinct belliqueux ne fit qu'augmenter avec l'âge, si bien qu'à 10 ans, il fut nommé, d'une voix unanime, général en chef par la moitié des bambins de Montreuil, qui disputaient alors, séparés en 2 camps, la possession d'un nid de merle. Inutile de dire qu'il justifia cette distinction par des prodiges d'habileté et de valeur. On prétend qu'il lui arriva même de gagner 4 batailles en 1 jour, fait inouï dans les annales militaires. Napoléon lui-même n'alla jamais jusqu'à 3. Mais son haut grade et ses victoires ne rendirent pas Lazare plus fier qu'auparavant, et tous les soirs le baiser filial accoutumé n'en claquait pas moins franc sur les joues de la fruitière. Mais hélas, la guerre a des chances terribles, et un beau jour le conquérant éprouva une mésaventure qui faillit le dégoûter à jamais de la manie des conquêtes. Voici le fait. Comme il se baissait pour observer les mouvements de l'ennemi, la main appuyée sur un tronc d'arbre, et à peu près dans la posture de Napoléon pointant une batterie à Montmirail, le pantalon du général observateur craqua et se déchira par derrière, où, vous savez, laissant pendre et flotter un large bout de la petite chemise que Marthe avait blanchie et repassée la veille. À cette vue, les héros de Montreuil pouffèrent de rire, aussi fort que l'eussent pu faire les dieux d'Homère, grands rieurs comme chacun sait. L'armée se mutina, le général eut beau crier comme Henri IV, dont il avait lu l'histoire, « Soldats, ralliez-vous à mon panache blanc ?» On lui répondit qu'un panache ne se mettait pas là, et qu'on ne pouvait, sans faire injure aux couleurs françaises, les arborer sur une pareille brèche. Si bien que le pauvre général brisa sur le dos d'un mutin son bâton de commandant et rentra dans ses foyers, triste et penaud, comme les Anglais abordant à Douvres après la bataille de Fontenoy. Ce nom me rappelle une circonstance que j'aurais eu tort d'omettre, car elle influa beaucoup sur le caractère et la destinée du héros de cette histoire. Un pauvre vieux soldat qui venait de temps en temps chez Marthe, sa parente éloignée, fumer sa pipe au coin de l'âtre et se réchauffer le cœur d'un verre de ratafia, n'avait pas manqué d'y raconter longuement comme quoi lui et le maréchal de Saxe avaient gagné la célèbre bataille. Je vous laisse à penser si ce récit inexact mais chaud avait dû enflammer l'imagination du jeune auditeur. Depuis lors, endormi ou éveillé, il entendait sans cesse piaffer les chevaux, siffler les balles et gronder les canons, et plus d'une fois, seul dans sa petite chambre, il se fit en pensée acteur de ce grand drame militaire. Il eût fallu le voir alors trépigner, bondir et crier « Tirez les premiers, messieurs les Anglais ! Maréchal, notre cavalerie est repoussée ! La colonne ennemie est inébranlable ! En avant, la maison du roi ! Pif, paf, bound, bound ! Bravo, le carré anglais est enfoncé ! À nous la victoire ! Vive le roi !» Le pauvre Lazare se croyait pour le moins alors écuyer de Louis XV au colonel. Une pareille ambition vous fait rire, sans doute. C'eût été miracle, n'est-ce pas, que le neveu de la fruitière puisse s'élever si haut. Oui, mais souvenez-vous que nous approchons de 1789, époque féconde en miracles, et écoutez. Lazare, engagé d'abord dans les gardes françaises, malgré les larmes de sa tante qu'il tâchait en partant de consoler par ses caresses, ne tarda pas à devenir sergent. Puis le siècle marcha, et la fortune de bien des sergents aussi. Enfin, de grade en grade, il devint, devinez, colonel ? Il n'y avait plus de colonel. Écuyer du roi ? Il n'y avait plus de roi. Vous ne devinez pas ? Eh bien, Lazare, le fils du cuisinier, Lazare, le neveu de la fruitière, devint général. Non plus général pour rire, et en casque de papier, mais général pour de bon, avec un chapeau en panaché et un habit brodé d'or. Général en chef, général d'une grande armée française, rien que cela. Et si vous en doutez, ouvrez l'histoire moderne et vous y lirez avec attendrissement les belles et grandes actions du général Hoche. Hoche était le nom de famille de Lazare. Hâtons-nous de dire à sa louange que ses victoires, bien sérieuses cette fois, le laissèrent aussi modeste et aussi bon que ses victoires enfantines à Montreuil. Aussi, lorsqu'un jour de revue, il passait au galop devant le front de son armée, il y avait encore, à une fenêtre près de là, une bonne vieille femme qui couvait des yeux le beau général, haletante de plaisir et de crainte, et répétant, comme 20 ans auparavant, « mon Dieu, il va tomber !» Quant au cuisinier grandeur de Versailles, il était là aussi, émerveillé d'avoir donné un héros à la patrie, répétant, avec un certain air de suffisance à ceux qui l'en félicitaient, « Vous ne sauriez combien j'ai eu de peine à élever cet enfant-là. Figurez-vous, citoyen, qu'à 6 ans il ne savait pas écumer le pot. » Ainsi s'achève le neveu de la fruitière, Dégésippe Moreau.